Vous les avez vus. Vous les avez connus. Le Macumba, le Zénith, l'Acropolis, les bains-douches, le pick-up, le palace. Et puis, il y avait la nuit des temps. Un club dans le nord de la France qui avait pour particularité de programmer des sons dans tous les sens. De la soul, du funk, de l'électro, de la disco et même du jazz. Chaque semaine, nous allons faire revivre l'esprit unique de ce club. Chaque semaine sur Radio Dio, nous allons rouvrir les portes de la nuit des temps qui, à la fin des années 70, avait créé sa radio, une radio pirate pour diffuser ses playlists. On rallume les amplis, ça grince un peu. On dresse l'antenne comme les studios de la RKO. Bienvenue dans la nuit des temps. L'orchestration est riche et luxuriante, c'est comme un paradis terrestre. On accueille Peg J sur notre dance floor. Et c'est notre power play de la semaine, c'est-à-dire en double dose. Bienvenue dans la nuit des temps, bienvenue dans les chœurs qui font boum, boum. Gospel et la house partagent beaucoup de choses, comme l'expérience collective et une forme de transcendance. Mais un autre truc ressort particulièrement, c'est la puissance expressive de la voix. Voix et énergie pour causer libération, dance et love. C'est le truc du Andrea Verren and the Sandmark Shore. Un groupe de Brooklyn qui jouait dans les églises, mais pas que. Et leur truc, eh bien c'était de puiser dans le gospel, le funk, la soul. Balancer de la guitare wah-wah, des lignes de basse géniales et un piano Rhodes particulièrement groovy. Nous sommes en 1974, au petit matin. Le soleil se lève doucement sur New York. Les clubs de Brooklyn ferment leurs portes. Et pas loin, tout près de ces clubs, résonne ce mot anime prayer. Out there, you're gonna look for me. après Brooklyn, on saute par-dessus Manhattan, direction le New Jersey. Tana Gardner, eh bien c'est la fille d'une chanteuse d'opéra et elle commence à faire des vocalises dès l'âge de 5 ans. En 78, elle plonge dans le maudit disco et tombera direct dans l'oreille du grand DJ Larry Levan. 1981, c'est son battement de cœur qui fera danser les clubs de la planète. Voici le fantastique Heartbeat. Tana Gardner, elle a 65 ans aujourd'hui. Divine et voix sublime. Tana Gardner, son battement de cœur. Tana Gardner, forever. La nuit des temps, Radio Duo. La nuit des temps, l'international de la danse. Footwork. Nous sommes en 2024. C'est comme du bruit arrangé. Ce sont des boucles, les sons de la ville. Et ici, on est en Estonie. Les étoiles électroniques dans le ciel de la cité. Avec Misha Panfilov. Bienvenue à Frutterie Elettronica. Thank you. The Soul Orchestra, c'est l'orchestre mythique du label Soul Records. Nous sommes en plein disco boogie. Et ce son a nourri comme jamais la house et le sampling. Hit it up, hit it up. Come, Nataki, dance with me. Bring your pablum, dance with me. Pull your plait and whirl around. Come, Nataki, dance with me. Won't you, Tony, dance with me? Stop your crying, dance with me. Feel the rhythm of my arms. Don't let's cry now, dance with me. Tommy, stop your tearing up. Don't you hear the music? Don't you feel the happy beat? Don't bite, Tony, dance with me. Mommy needs a partner. Here comes Karma, she will dance. Pirouette and boogaloo, short pink dress and dancing shoes. Karma wants to dance with me. Don't you, Karma? Don't you? All you children gather round. We will dance and we will whirl. We will dance to our own song. We must spin to our own world. We must spin a soft black song. All you children gather round. We will dance together. Pourquoi ce son fait danser et pleurer? Pourquoi Dusty Springfield donne l'impression de toucher les étoiles là? Dusty était la courroie de transmission du son de Détroit en Angleterre. Et là, nous sommes en 1972. Yeah. whole new experience, weeknights at 10, here on Metro Media 5. Metro Media. Ils ont voulu nous faire, on a quand même marqué dans les playoffs. Ça finit bien, alright. Le mal accumulé, je le performe. Ils ont pas le cran pour être adversaire. C'est nous les rôtes. Tellement de larmes qu'on retient de verser. Ça finit bien, alright. Alright, alright. Pourvu que ça finisse bien, alright. Alright, alright, alright. C'est la vraie vie, pas HBO. Vie d'abyssal comme le frigo. On veut la paix, on veut freedom. Ils ont voulu toucher à nos points vitaux. J'ai la vision depuis les dents de l'air. Il y avait tant de loups. Je compte plus les fois où tout s'est envolé. Ces moutons dans de l'eau. I'm ready, you know. I'm ready, I'm ready, you know. Pas dormi night and day, j'ai tellement attendu, je suis al dente. Je rappe, je fais les mélos, j'ai alterné. À quel moment ils auraient pu me berner? Comment ça ils ont douté, hein? Dans le son je fais du tout terrain. Dans le noir depuis full de moi, je compte bien faire tout briller autour de moi. I'm ready, I'm ready, you know. I'm ready, I'm ready, you know. I'm ready, I'm ready, you know. Alright. Parler de travail et bim bim. Parler de bendo, de bédo, de bibi. Parler de baby qui m'appelle à bibi. Parler de parcours de chaque cours à Biggie. Parler de biblique puisqu'on est égaux. Parler du Christ car le Christ était négro. Parler trop pressé, parler pour prêcher. Parler sa mère car se taire est un péché. Parler de Dieu parce lui des colonies. Dépasser les cadavres et les palabres et les dramas. Love dans les yeux jusqu'aux cieux, follow me. J'étais paranoïa comme un négro d'Alabama. Maintenant j'existe, maintenant j'existe. Maintenant j'ai drapeau, j'ai gamo, c'est quichta. Riche, bitch, millionnaire speech. Molotov cocktail, Molotov gospel. Ah. Ça finisse bien. En 1974, il compose pour Bowie « Période Young Americans », le grand Luther Vandross, hommage par Kendrick Lamar. If this world were mine. Hey, Roman numeral 7, babe, drop it like it's hot. If this world was mine, I'd take your dreams and make them multiply. If this world was mine, I'd take your enemies in front of God. Introduce them to that light, hit them strictly with that fire. Fa, fa, fa, fa, fa. Fa, fa, fa. Hey, Roman numeral 7, babe, drop it like it's hot. If this world was mine, I'd take your dreams and make them multiply. If this world was mine, I'd take your enemies in front of God. Introduce them to that light, hit them strictly with that fire. It's a bop, do your dance, let them watch. She a fan, he a flop, they just wanna kumbaya, nah. This world concrete, flowers grow. Heartache, she only do what she know. Weekends, get it popping on the low. Better days coming for sure. This world, world. comes up to me, I wouldn't give it nobody's no sympathy. I'll take away the pain, I'll give you everything. I just wanna see you win, wanna see if this world it go in, when you ride it door slow, slide. Maybe you would stop, strike doors. When I'm with you, everything goes. Your time, I turn it off just so I can turn you on. I'ma make you say it loud. I'm not even tripping, I won't stress you out. I might even settle down for you. I'ma show you I'm a pro. I'ma take my time and turn it off just so I can turn you on, baby. Weekends get popping on the low. Better days coming for sure. Settle down, y'all. I'd like to take the time to introduce to the stage this new young brother. I like this brother. He go by the name of Soulberg. Cue the son. My daughter Carson just said dad for the first time. Callie trying to get up and run track. Hey, crazy, man. Steady, I like ready? To call myself the God of rap. And all of y'all should call me that. I hit the studio and talk like that. Leave that motherfucker and feel like a fraud. In all honesty, I believe the truth will set you free. Am I an inmate? I got secrets I'ma die with. What's going on? Am I the greatest or an ingrate? Am I a victim or a villain with a moral compass? Did my dirt all by my lonely no accomplice. What's going so when this shit hits the fan, I'll be sipping a pot thick red, but I won't be whining. No boo-hoos, more like BB and CC. Church on the move. Right or wrong, my fate was written way before I started writing. This ain't a verse, it's an excerpt from a seance. Ain't really confrontation, no, but I crave chaos. Mayday, mayday. Melee, melee. Hey, way off the chain like a jeweler's scale. Fuck all this gold on me. No. It ain't hard to tell like Sonic's little homie. Now my soul glowing despite the darkness I harness. You think these silver linings were straps that keep what's me from falling? Huh. Rhyming like I'm flying with angel wings, I just be crawling. Steady, Jesus Christ, am I designed to compete or am I just what's a Paulin? Peter and Paul, like, no, that was really crazy. These days I'd rather work out my flaws than flex on y'all. A little something's better than a whole lot of nothing what's at all. On? Oh, well, hope you read between the lines like when we be spelling wrong. Steady, are you ready? Spells, you know what I'm saying? What's going on? Hey, hey, yo, Arnie, can I keep it going? I'm down, take a look around. However do you want it? Mic check, 1, 2, mic check. Turn me up in this bitch. Can I talk my shit? Can I keep it real, real quick? I am broke. I am on fucking drugs. Don't own shit. I'm paying rent with my baby's moms. I take a 7.62 for top dog. I did jump off a bridge on Delamo Boulevard. I'm blessed, but question why God would have mercy on a junkie. Biggest lie I ever told is that it ain't about the money. Hopped out the rabbit hole, but now I'm really tripping. I'm still standing here screaming, fuck the whole system. Couldn't care any less if you judge me, bitch. You don't know what the fuck I did for this shit. And I don't know much, but I do know this. I got the game in the headlock, I'm like Draymond. You think you fucking with the squad just a little bit? No. Draymond, and then apply for your membership. Lil' bitch, shit ain't been the same without our mind. Shit we was on, you'd have thought that we was down our mind. Couple of ticking time bombs, don't step on our mind. But he the reason me and Danny spent the block. We lost power. worthy combined knowledge and nines. Bang. I'm telling you, Drew, man, they gonna respect them. Sound system, an amalgamation of good dance music. There's three of us from the north side and two from the east, and through our style, you know, people just came to recognize us as the Funky Dreads. Dans les années 80, à Londres, Soul to Soul, c'était le versant dance de Massive Attack. Et c'était Nelly Hooper à la manœuvre. Well, you know, trust has always meant a lot to all of us. For us to stay together, where one would make a decision and the rest would follow. I don't know, you know, the way we thought, the way things should be. I guess the way things should go. So. Vous écoutez Radio Duo. Et c'est la nuit des temps. La nuit des temps, Radio Duo. c'est l'histoire d'un cœur qui bat. Heart beat, le battement de nos cœurs. Avec Tove Lo, S.G. Lewis. Et nous sommes en 2024. Au grand cœur, c'est un immense collectionneur de vinyles rares et des sons oubliés. Et il mixe aussi bien de la disco, de la soul, de la new wave, de l'italo bien senti et sans se boucher le nez. Car le truc chez Tom Noble, c'est de savoir accélérer effrontément et sans discuter. Alors on accélère, car il faut prendre de la vitesse pour décoller. Et on sort les kungas. Et on sent le battement de son cœur faire boum. We'll be right back. Tom Noble est aussi programmateur sur The Lot Radio à New York. Leurs studios tout pétés d'autocollants comme à Duo eh bien, sont situés sur la rive juste en face de l'East Village. Ils diffusent leur programme en ligne depuis un conteneur maritime installé sur un terrain vague à Williamsburg. Et The Lot Radio a même été élu meilleure radio en ligne en Amérique du Nord, alors je ne sais plus, 2015 ou 2016 il me semble. Et leur programmation est presque aussi bien que Duo. On dirait du DJ Kale. Eh bien, c'est raté. On invite les Crusaders sur notre dance floor pour refermer les portes de notre bon vieux club. Et ce soir, notre petit cœur battait pour Pale J, qui était notre power play de la semaine. Il y avait également Andrea Veron and the St. Mark Chore pour leur gospel disco funk. Tana Garner, que l'on aime de tout notre cœur. Ça se discute pas, ça. Il y avait également Neue Graphik pour la touche Deutschland, ou Dave Guy, qui travaille du pied, car le pied, c'est aussi un autre battement du cœur. Tout est lié. On a également reçu Misha Panfilov, avec sa corbeille de fruits électroniques. Ou encore une reine de la soul avec Dusty Springfield. Révérence, émotion. Yeza Yazuke et Youssoufa nous confirmaient que tout va bien. Alors nous on prend, c'est une bonne nouvelle et c'est pas si courant. Et Absaol nous a emmené tout doucement vers le groove anglais. De Soul to Soul dans les années 80. Et que dire des Young Disciples qui ont emballé tout ça? Et puis c'est Tovlo et le petit Frenchie S.G. Lewis qui ont pris le relais. La dernière ligne droite vous était servie par Tom Noble depuis The Lot Radio. Mais nous ici, c'est Saint-Étienne. C'est Radio Duo. Et c'était la première nuit des temps de septembre. Il est 22h05. Et c'est l'heure maintenant de lever les yeux vers le ciel. Vers le ciel de Saint-Étienne. et les étoiles qui brillent, et qui brillent, et qui brillent malgré la tempête. La danse, les étoiles, Radio Duo, les montagnes, Saint-Étienne. Buena noté, salut! La nuit des temps, l'international de la danse.